s'habiter, le sourire au cœur et le cœur déplacé. Prends ton génie, laisse-toi emporter, les mille et une nuits vont te tenir éveillé. Au milieu de la forêt, loin des regards indiscrets, on retrouve l'empyramide sous le soleil coralin, près de la culmine. Être un papa, c'est pas compliqué. Le sourire au cœur et le cœur déplacé. Prends ton génie, laisse-toi emporter, les mille et une nuits vont te tenir éveillé. Selon un mythe insolite, le sultan Abu Labi doit faire hériter ses fils. Soyons ses complices, rendons-lui service. Être un papa, c'est pas compliqué. Le sourire au cœur et le cœur bien placé. Prends ton génie, laisse-toi emporter, les mille et une nuits vont te tenir éveillé. Les mille et une nuits vont te tenir éveillé. Ha ha ha.